Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 13e chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose et je vous propose aujourd'hui de parler de nos croyances limitantes. Fadjet, les ondes positives. La réalité, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. C'est ainsi que le génialissime auteur de science-fiction P.K. Dick nous parle de la frontière subtile et souvent invisible qui existe entre ce qui est et ce que nous croyons qui est. Ce tissu de croyances, bonnes ou mauvaises, qui sert de toile de fond au film de notre vie, n'est pas un simple décor, mais constitue en réalité un cadran qui influence largement la direction que nous choisissons de prendre dans tous les aspects de notre existence. Certaines croyances limitantes peuvent même nous contaminer à l'échelle collective. Connaissez-vous l'effet Bannister ? Non ? En 1954, les scientifiques avaient déterminé qu'il était impossible pour l'homme de passer sous la barre des 4 minutes sur une distance d'un mile. Bien sûr, personne n'a jamais pu démontrer le contraire, jusqu'à ce que Roger Bannister devienne recordman du monde en finissant sa course en 3 minutes et 59 secondes. À partir de ce moment-là, tout un tas d'autres coureurs à travers le monde ont également réussi à battre ce record. Arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho d'une spécialiste en la matière. Cette voix, c'est celle de Marion Blick. Les ondes positives sur Fadjet. Les croyances limitantes sont des filtres qui nous empêchent de percevoir et d'accepter la vie telle qu'elle est et donc de la vivre librement. Comme une construction qui étoufferait sous ces échafaudages placés là en ses débuts, mais que l'on ne démontrait jamais. On se trouve immobilisé dans un carcan de principes, de théories, d'injonctions, de jugements familiaux, culturels, sociaux, sociétaux, qui nous empêchent de voir les choses simplement telles qu'elles sont, sans projeter sur elles notre interprétation. Résultat, nous nous trouvons embourbés, coincés dans des vies qui ne nous satisfont pas, avec un profond malaise qui peut s'amplifier avec le temps. Alors, est-ce que l'expression « si l'on veut, on peut » pourrait se transformer en « si l'on croit, on peut » ? Examinons la question. Lorsque nous naissons, notre cerveau télécharge une quantité phénoménale d'informations et de savoir-faire, mais aussi toutes sortes de croyances qu'il tire de sa famille, de son milieu, de son environnement. La science a également prouvé que certaines croyances étaient également transmises à travers les gènes et l'ADN. Je vous le disais dans une précédente chronique, le fœtus durant la gestation est également influencé par son environnement direct, c'est-à-dire la mère et tout ce qui lui arrive. Idem pour le moment fondateur de la naissance. Une étude a par exemple démontré que les enfants nés à la suite d'une expression abdominale, c'est-à-dire lorsque le soignant appuie sur le ventre de la mère pour expulser le bébé, chercheront dans leur vie à retrouver cette sensation de violence et de danger. A l'inverse, les bébés nés en piscine ou dans l'eau vont naturellement être beaucoup plus calmes et sereins. Un autre exemple de cette hypothèse est celle de l'impuissance ou de la résignation apprise ou acquise. Seligman tente en effet une expérience qui tend à démontrer comment il est possible d'influencer des chiens en les soumettant. Trois groupes de chiens sont attachés à un harnais. Dans le premier groupe, les chiens sont simplement attachés à leur harnais durant une courte période, puis ensuite libérés. Les groupes 2 et 3 restent, eux, attachés. Le groupe 2 subit intentionnellement un choc électrique que les chiens peuvent arrêter en pressant un levier. Chaque chien du groupe 3 est attaché en parallèle à un chien du groupe 2, subissant un choc de la même intensité et de la même durée. Mais ceux du groupe 3 n'ont pas la possibilité d'arrêter le choc. Le seul moyen pour un chien du groupe 3 d'échapper au choc est qu'un chien du groupe 2 actionne son levier. Les chiens du groupe 3 ne peuvent donc pas agir par eux-mêmes pour échapper au choc. Au bout du compte, les chiens des groupes 1 et 2 se sont rétablis rapidement de leur expérience, tandis que les chiens du groupe 3 ont appris à être impuissants et ont montré des symptômes similaires à la dépression chronique. Dans la seconde partie de l'expérience, ces trois groupes de chiens ont été mis dans un nouveau dispositif, avec un petit muret qu'il suffit de sauter pour éviter le choc. Pour une très grande partie du parcours, les chiens du groupe 3, qui avaient précédemment appris que rien ne pouvait arrêter les chocs, restaient passivement, immobiles, à gémir. Bien qu'ils auraient facilement pu échapper au choc, les chiens n'ont pas essayé. Seligman en tire ainsi la conclusion que le traumatisme réduit la motivation à répondre, puisque les expériences traumatiques interdisent l'apprentissage de nouvelles réponses. Cet état serait un des facteurs de la dépression et de l'anxiété. Ainsi, s'il était possible de garantir un environnement sain et positif à tout jeune enfant, il construirait par extension un tissu de croyances valorisantes et élévationnelles, arc-boutées sur leur certitude qui leur tenait lieu de vérité. Disait l'Ecclésiaste, il ne se voyait pas déjà condamné. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière de gérer ces croyances limitantes. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction l'Afrique ancestrale pour partir à la rencontre d'un animal mythique, l'éléphant. Un homme riche se lève un matin avec une idée en tête, avoir son propre éléphant domestique. Tous autour de lui lui disent que c'est impossible, car l'éléphant étant l'animal le plus fort de la jungle, il ne se laissera jamais emprisonner pour son bon plaisir. Mais l'homme est tenace et finit par trouver une idée qu'il ne tarde pas à mettre en application. À l'aube, il se lève et approche d'une famille d'éléphants endormis. À l'aide de plusieurs compères, il crée la panique en faisant grand bruit autour d'eux. Assez pour que l'homme puisse jeter son filet sur le plus petit éléphanteau de la tribu. Alors que tous les autres éléphants s'enfuient, le plus petit est capturé et ramené jusqu'à la tente de l'homme riche. Une fois arrivé, l'homme riche attache une corde autour de la patte de l'éléphant encore bébé et la relie à un solide point d'ancrage. L'éléphanteau cherche pendant plusieurs jours à se libérer de son entrave. Voyant qu'il se débat en vain, l'animal finit par se résigner et abdique. Il se couche alors au pied de la tente et attend passivement que les jours passent. Des années plus tard, l'éléphanteau a grandi. Les voisins de l'homme riche le mettent en garde. Attention, le poids qui relie l'animal n'est plus assez lourd pour cet éléphant. Dès qu'il le souhaitera, il partira. Et l'homme riche, sans inquiétude, leur répond. Mais ça, il ne le sait pas. N'est-ce pas Mignon McLaughlin qui disait « En apprenant trop tôt nos limites, nous n'apprendrons jamais nos pouvoirs ». Et laissons le mot de la fin à Tony Robbins. N'oubliez pas, nous obtenons tout ce que nous tolérons. Alors arrêtez de tolérer des excuses en vous-même et de limiter les croyances du passé. Fadjet, les ondes positives. Allez, petit exercice. Sur un papier, notez toutes les croyances qui vous limitent dans une première colonne. Je ne suis pas assez doué pour, je n'arriverai jamais à, je n'ai pas de chance, il m'arrive toujours des mauvaises choses, je serai toujours ainsi, etc., etc. Et dans une seconde colonne, écrivez à présent une phrase qui déconstruit cette croyance et vous ouvre vers un futur positif. Par exemple, à côté de « je ne suis pas assez doué pour », notez « je vais m'exercer pour atteindre mon objectif ». Etc, etc. Gardez cette liste sur vous et à chaque fois qu'une de ces croyances limitantes arrive dans votre tête, sortez-la et relisez trois fois la phrase positive en face et mettez au moins une action en ce sens dans votre journée. Voilà, maintenant que nous avons appris ce que sont nos croyances limitantes, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela, nous faudra-t-il apprendre à exploiter la loi d'attraction. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.